Regional Mana Monkey, Pupa Sonic Pondy Mike. Radical Sound, yeah man, original ragamuffin specialist. Babesti, big up. Digital a come, yeah man, a digital a come. Digital a come, yeah man, a digital a come. Digital a come, yeah man, a digital a come. Digital a, digital a, digital a, digital a, digital a come, yeah man, a digital a come. Conscious lyrics in a dangerous sound. Digital a come, yeah man, a digital a come. Serious thing, good boy in a town. Langue de l'ombre et le sage-fou viennent parler dans le microphone. Tu sais bien qu'on dénombre un nombre inquiétant de mon main. Dépourvu de culture, se perdre la mer perdure. Condamné depuis tout petit à ne pas avoir d'avenir sûr. Et toi t'en rajoutes une couche dans tes textes qui puent la tox. Tu sers de la connerie à la louche, tu t'en fous des gamins. Tu veux savoir combien tu touches. Pour eux le futur est incertain, pour toi c'est pisse, il n'est pas douche. Donc à notre zig pas touche, pas de bois. Éloigne-toi de ce micro, tu fais partie du bétail. On ne fait plus partie du troupeau, pas dans le même camp dans la bataille. Tu joues le prince, je suis le crapaud. T'as fait une chienne de la princesse, dis-moi au fond qui est le plus beau. Digital a comme, yeah man a digital a comme. Conscious lyrics in a dangerous sound. Digital a comme, yeah man a digital a comme. Serious thing, good boy in a town. Digital a comme, yeah man a digital a comme. Conscious lyrics in a dangerous sound. Digital a comme, yeah man a digital a comme. Serious thing. Rouge et la l'air sombre et mon art sale comme le monde. Seul comme un athlète sans victoire, oublié par les puissants, obligé de s'adapter. Si ton système ne veut pas de nous, t'inquiète, nous on va faire sans. J'ai l'allumette et la naissance dans ma lunette. Je vois ta tente, j'envoie des sons dans tes oreilles. Boum, j'appuie sans la détente, ma bouche à bouche. Pas qui te loupe, pas qui l'ouvre, pas si elle sait pas qui sait faire la différence entre les frères et l'ennemi l'état. Hey, digital à comme, yeah man, digital à comme. Conscious lyrics in a dangerous sound. Digital a come, yeah man a digital a come. Serious thing, good boy in a town. Digital a come, yeah man a digital a come. Conscious lyrics in a dangerous sound. Digital a, digital a, digital a, digital a, digital a. Digital au réveil, bon pas de beau coucher. Ragamuffin dans tes oreilles. Boy à toute heure de la journée. Après une pause, Rhodes Rockers. C'est dancehall raga. La nuit dans la jungle, sort du hip hop. On finira avec les frères, on punira. Tous les faux MC scélérats. Ceux-là même qui s'amènent et prennent le mic pour qu'on les voit. Ouais boy, la porte on scellera. On laissera entrer que les vrais. Car nos sons c'est pas Ibiza. Ni les starlets de Saint-Tropez. Tu peux ranger tes bijoux. Ta grosse go va dans le clip. Que la gola va genoux. Se trémousse sur le t-shirt. Une claque sur les fesses cachée derrière ton bandana. La version pour de Scarface t'es plus tonique que Montana. Hey, ready for the war, yeah man I'm ready for the war. Ready for the war, yeah man I'm ready for the war. Ready for the war, yeah man I'm ready for the war. Ready for the war again, the stupid son boy. Say digital a come, yeah man a digital a come. Digital a come, yeah man a digital a. Digital a come, yeah man a digital a come. Digital a, digital a, digital a, digital a. Digital a come, yeah man a digital a come. Conscious lyrics in a dangerous sound. Digital a come, yeah man a digital a come. Serious thing, good boy in a town. Radical a come, yeah man a radical a come. Digital a come, yeah man a digital a come. Radical a come, yeah man a radical a come. Serious thing, rule by in a town. Babes dinna the party, a wicked prediction, yeah. Pupa Sonic, man a monkey, say too.